Hey there, you royalty, stay away. Hey, yeah, hey, yeah. Mm-hmm. Ako čekali, ty, ako to by diekolej, ko čekali, ty, ko čekali, čaká, ko čekali, ty, kolej, ty, kitoli, a ko čekali, si kiali, ko čekali, si kiali, a ko čekali, kto. Arrivez-tu, et qu'on l'a su, et on a moi, et quand elle a, et quand a su qu'à la consi, et su qu'à y, et repas là. Rotazi consi, si qu'on l'a ça, si qui l'a ha. Arrête la consi, et si qu'on ça, qu'on m'a sara. Ose da qu'on loi, et qu'on ça, a ou te, et qu'on l'a si que rota, rota, rota la. Qu'on ta, et ta. T'as qu'on ça qu'on l'a. Ah ouais, là, si, qu'on l'a. Rota là avec loi. Saka là. Et on t'a pas. L'ordinateur t'a si, la suka. Rota sola. Wata qu'on va sans qu'à la Sarah, ça qu'à la son, ouah, qu'on ça, ouais, qu'on, ouah, car il y a un chat, qu'on, ouah, t'auront. Quand ouais t'auras. Quand la savoie. Quand c'est ça là. C'est son ça. Qu'on la serre Ottawa et qu'on la sa qu'on écrit là qu'on là qu'on la sait avec toi quand ta ouais son lit et quand aussi la rose ça ça soit ça là qu'on sait qu'on ça. C'est ça. Ouais. Qu'on sait qu'on l'a ça. Qu'on sait qu'on l'a. Qu'on sait qu'on l'ironda. Qu'on sait qu'on l'a rendu qu'on sait. Qu'on sait qu'on sait qu'on l'a qu'on sait qu'on sait. Oh, oh oui. Ach gai gai te ao ke te ke loi te, a ka te loi ke te o te ke aho gintu o kai, te ke loi ke te ke ao te ke te ka si ki te. Oh, 个切口的，哎，个切口了，现在，哎，个切口了，现在，哎，个切这样子，个就，哎，肯定这样，肯定是，个，哎，你们那个切在。可是讲的过年了，哎，今天这个杰克拉是个杰克人，哎，过冬了。 Goli pasi kari kochi kari kina Goli kete eke kochi kena mochita Kochi kane ketike kochi kana kaseke Rasi kusake reno kochi kene kina Kari kasa kachito kochi kana kasala Pachi kocho koete kemaro toko oite Nalika se kochi cha kochi ka chika no nae Kere ke soko shike Masaka la ke seko Kochi koche ke chika Koche ka la ke seke Kocho koche ko lai na Masika pasu ku ce Kasi kulaka sike Kochu kulaka naha Kichi kochaka ote Kalaki sika naha Sekeire maritina Koni kasai kimi ne Hatsi ga soko isa Kairi butaru uche Kari toku che Zari te paye tula Kasi ki nai se Kone kishi ki ruta Kori pasi keri Kochi kari kina Kori ke te eke Kochi ke namachita Kochi ka neke teke Kochi ka nakaseke Rasi ku sake re no Kochi ke neke zina Kari ka saka chito Kochi ka nagasala Pachi ko choko ete Kemaro toko ete Nari ka se kochi cha Kochi ka chika no nae Kere ke so kochi ke Masaka la ke se ko Kochi koche ke chika Koche ka la ke se ke Kocha koche ko lai na Masi ka pasu kuche Kashi ko la ke se ke Kochu ku la ka na ha Kichi kocha ka ote Ka la ke se ka na ha Kere maritina Kone ka se Kimi ne Hatsi ga soko isa Kairi butaru uche Kari toku uche Sari te paye tula Kasi ki nai se Kore kishi ki ruta Kori pasi keri Kochi kari kina Kori ki te eke Kochi ke namachita Kochi ka neke teke Kochi ka nakaseke Rasi ku sake re no Kochi ke neke zina Kari ka saka chito Kochi ka nagasala Pachi ko choko ete Ke maro toko ete Nari ka se kochi cha Aquela você fixa, a que tinha ontem, a que linda, mas a galo de que nem quando a bagagem tem galo, enfim. Aquilo, o que tem galo, é a que tinha outro coi, a que nem o chicken like tem galo, e nem o que tinha no nele, quando tinha o colete, é te colete que nhac, tu que eu. I'm not going to be able to do that. 제가 제가 지금도 이 아까 질문드린 그나 해주고래 아 지금은 이제 나고 진래 아 지금지 아 지금은 이 그거라기다 아 근데요 근데는요 이 뉴클레 아까 지금은 누구지 나라티케이 두어 아니클레이치케이 지금 누구지고니다 나클레이치죠. Ekit in rooti, ka ninil, ka nuguleiti, ka nahaleiti, ka tikalti, ka tikalaikin, to lukti, a ka titilo, a nahaleiti, ka ninil, tu klalai. I want to walk. no, no, no, no, no, no, I want to walk down the way. I want to walk down the way. I want to walk down the way. I want to walk down the way. Коли книга, але книги, не халайзіки, діво, книга, не. А книга, не, не, не, книга, не, книга, сусла, їх, тя, не. Ну, от, не, не, книга, не, книга, не, книга, не, книга, не, книга, не, книга, не,